dessous. Et de l'un des sous de la barrette, flambant neuf et tout brillant, notre sou allait en voir de raide. Mais c'était un sou vaillant. Comme un vieux soudard, il fit la guerre, souriant et sans souci. Il fit jouir tant dans l'armée de l'air. Ah, le joli sou de ce souci. C'est un sou qui revenait de la guerre, comme le grand Malbrou. Les femmes étaient à ses genoux. Il sut faire la conquête d'une fille au corps bronzé, une pièce de 10 sous. Et chaque soir dans les guinguettes, nos sous allaient soupirer. Et le sou, dépensait toute sa galette en bouquet d'un sou, qu'il achetait un peu partout. Mais hélas, l'histoire est éternelle. Tout ce qui brille n'est pas or. La pièce de 10 sous fut infidèle. Alors il l'a mis dehors. Et c'est pour oublier que sa petite pièce était fausse comme un ston, qu'il se mit à sombrer dans l'ivresse, en servant de pourboire aux garçons. C'est un sou, qui plus jamais ne dessoule. C'est un sou, c'est un sou complètement sou. Ce moyen de noyer sa détresse rendit le sou si souffrant, que voyant qu'il s'en allait de la caisse, il en fut tout repentant. Et c'est dans un tronc au fond de l'église qu'il s'en va pour se cacher. Il ira au ciel quoi qu'on en dise, quand il leur a lavé ses péchés. C'est un sou, dira le bon Dieu à Saint-Pierre, prenons-le chez nous, il est propre comme un sou. Si Saint-Pierre fait des manières, Dieu dira plein de fourreaux, c'est un sou, je vous donne ce sou, Pierre, prenez-le et taisez-vous. Alors tous les sous qui resteront sur la terre diront à genoux,